Chapitre 13. Depuis 4 heures de l'après-midi, la pluie ne cesse de tomber et ne s'arrêtera certainement pas de la soirée. Il va être 6 heures. La porte de la sacristie grince sur ses gonds. Une femme, vêtue d'un grand ciré blanc à capuchon, pousse le battant avec ses genoux. Elle tient dans ses bras de grands bouquets de fleurs champêtres. Après une brève génuflexion face à la croix, en traversant l'allée centrale de la nef, elle se dirige vers le fond de l'église en laissant derrière elle une traînée de gouttes sur les dalles. Elle s'arrête dans le bas-côté de l'église, devant l'autel des âmes du purgatoire, à côté de celui de Saint-Joseph. Elle pose ses deux bouquets à terre et cherche autour d'elle des récipients idoines. Puis elle se rend dans la sacristie, d'où elle revient munie de 2 grands vases remplis d'eau. Après un époustage vite fait de l'autel, elle dispose les 2 vases. Pendant qu'elle s'affaire derrière le pilier, une forme sort sans bruit du confessionnal voisin. La femme dispose le premier bouquet dans 1 des vases. À ce moment, elle perçoit derrière elle un froissement de tissu ou de toile épaisse. Elle se retourne. Face à elle se tient une personne en long ciré de chantier noir, le capuchon abattu sur la tête. Ces 2 formes identiques, les capuchons sur la tête, ressemblent à 2 pénitents. L'un blanc, l'autre noir, comme l'image du yin et du yang, le mal, ici, étant toutefois plus grand que le bien. Surprise, la femme en blanc murmure « Ah, c'est toi ?» Aussitôt, 2 grandes mains gantées lui en serrent le cou si brusquement qu'elle n'a aucune réaction et reste les bras ballants. Sa gorge émet un son rauque et bref. Bientôt, ses yeux sortent des orbites et son regard se vide pendant que son teint vire au violet. Ni les bras ni les mains qui l'étranglent ne tremblent, comme s'il s'agissait d'une machine parfaitement réglée pour cette opération. L'agresseur, son regard planté dans celui de sa victime, guette le départ de son âme, peut-être vers le purgatoire. La forme noire laisse s'affaisser la forme blanche et ne la lâche que lorsqu'elle est assise, bras et jambes écartés, au pied de l'autel, comme un pantin au fil mou, la langue pendante, les yeux grands ouverts. Le tout n'a duré qu'une minute. Le ciré noir prend alors la main de la morte, applique sur la paume un tampon sorti de sa poche et avec un feutre, écrit un mot à la suite du dessin. La porte de la sacristie couine à nouveau. La forme noire regagne sans bruit l'abri du confessionnal. Le sacristain arrive à petits pas pour faire un brin de causette avec la pourvoyeuse de bouquets. Il pousse un cri, les bras levés vers le ciel. Il vient de découvrir Béatrice de Salvia Ponce morte au pied de l'autel des âmes du purgatoire. Il court vers la sacristie aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettent. Profitant de ce départ, la forme noire se glisse hors du confessionnal et sans bruit sort de l'église. Louis garde le break au pied des marches de l'église. Les rues trempées sous l'averse sont absolument désertes, mis à part un ouvrier en ciré qui s'engage à grands pas dans la rue de l'église sur la droite. Nous nous précipitons vers le portail de l'édifice. Louis pousse violemment la porte et un cri de douleur retentit aussitôt. Nous sommes obligés d'enjamber le corps du curé étalé par terre, les mains sur le visage. « Pardonnez-moi, mon père, je suis désolé, » fait Louis en se penchant sur le blessé. « Oh, oh !» fait le curé en montrant du doigt le bas-flanc gauche de l'église. Derrière un pilier, au pied d'un autel, nous découvrons le sacristain agenouillé près d'une forme blanche, assise, bras et jambes écartées. Le visage de la femme qui gît à terre nous apprend immédiatement quel est son problème. « Ça vient d'arriver !» parvient à articuler le curé, un mouchoir sanglant sur le nez. « Elle est encore chaude, » constate Louis, « mais il n'y a plus rien à faire. »« Merde, merde, merde !» s'écrie-t-il en frappant du pied. « Cet enfant de pute nous a encore baisés !» fait le curé sur un ton réprobateur. Nous restons là quelques secondes, sans parler ni bouger, prenant l'ampleur du drame. Derrière nous, la porte de l'église bat sous la poussée de plusieurs entrants. Ce sont 2 gendarmes qui viennent directement vers Louis. « Chez elle, on nous a dit qu'elle devait être à l'église, mais je vois que nous arrivons trop tard. »« Eh ouais, trop tard, putain !»« Allez téléphoner au parquet. C'est un meurtre. Elle a été étranglée. » C'est Béatrice de Salvia Ponce. Donnez son nom complet au parquet. « Bien, mon capitaine, » répond un des gendarmes. Puis s'adressant au curé, dont visiblement la blessure n'intéresse plus personne, Louis demande. « Curé, on ne pourrait pas voir un peu de lumière ici ?» Le curé revient muni d'un lampadaire et d'une grande rallonge électrique qu'il branche. « Merci, mon père. Et excusez encore ma brusquerie. Je préférais que vous vous éloigniez tous les 2, maintenant, » fait-il en désignant le curé et le sacristain. « Nous allons nous débrouiller. » La lumière crue éclaire le visage violacé de la morte. autour du corps, on remarque quelques traces humides, mais chaque intervenant ayant rajouté les siennes, aucune empreinte particulière ne se détache. Toutefois, sur l'une des paumes des mains de la morte, tournées vers le ciel, Louis et moi reconnaissons avec stupeur la marque du court bras formant le mot « saphique ». D'emblée, nous remarquons qu'il ne s'agit pas de la même écriture que les deux autres fois. Ou ils sont deux, ou bien l'assassin a déguisé son écriture, ce qui m'étonnerait, vu le ficelle qu'il a dû faire pour accomplir son coup. Mais qu'est-ce que ça veut dire, saphique, Gino ? Saphique, ça vient de Sappho, la poétesse grecque de l'Antiquité. Ça veut dire que la morte faisait de la poésie ? Non, pas forcément. On pensait de Sappho qu'elle était un peu goudouce sur les bords. Elle vivait à Lesbos, tu piges ? Ah, alors c'était une homo, tu crois ? Dit-il en désignant la morte. Va savoir. Louis arrive à détacher le sac que la morte portait en bandoulière. Discrètement, il jette un coup d'œil sur son contenu. Il déplie une lettre qui s'y trouvait, la parcourt des yeux, l'air perplexe. La lettre commence par « Béa chérie » et se termine par « Ta clercée qui t'adore ». Je crois qu'effectivement elle avait des amitiés particulières. Enfin, c'est tout de même pas pour ça qu'on l'a assassinée, non ? Je vais tout de suite interroger le curé. À l'insinuation de Louis sur les mœurs de Béatrice, le curé lève les bras au ciel et en laisse tomber son mouchoir. « Vous êtes devenu complètement calu, mon fils. Non content de blasphémer dans l'église, devant une morte, vous la calomniez maintenant outrageusement. Vous avez le vice dans le sang. Une personne si pieuse et si dévouée au service de Dieu et de l'église. C'est une grande perte pour la paroisse, et son meurtre est une abomination. Bon, bon, calmos, mon père. J'étais mal renseigné, n'en parlons plus. Pour l'instant, je vous demande de garder le silence sur tout. » Louis revient vers moi. « Oh, ma Carrel, il a failli attraper une attaque. » Elle devait bien cacher son jeu, c'est tout. Gino, tu devrais te tailler maintenant avant que le parquet n'arrive, sinon ça risque de poser encore des problèmes. Téléphone à Serge, qu'il vienne te chercher. Louis a raison, et sans attendre, je m'esbigne hors de l'église et gagne en courant le premier troquet sur le quai pour mettre mon pansement à l'abri de la pluie. Dans un coin, près de l'entrée, un homme assis m'interpelle d'un signe discret. « Asseyez-vous, vous êtes le commissaire Volpi, me fait-il à voix basse. « Je suis Pierre Fargue, inspecteur divisionnaire en retraite. Je suis content de vous voir. » Là-dessus, il me serre cordialement la poigne. « Je vous ai déjà vu l'autre jour avec votre copain. Et Serge m'a parlé de vous, enfin de toi, quoi. Il m'a dit la raison de ta retraite forcée. C'est pas trop dur ? Disons que je m'occupe comme je peux. Je fais quelques enquêtes en loose dé pour les assurances. Du nouveau sur la bande du Cobra ? Je veux mon neveu, et du tout frais, mais ça tu le gardes pour toi. » « Tu connais Béatrice, machin chose ?»« Ouais, et alors ?» Me dévisageant, il me glisse à voix basse. « Ne me dis pas que... »« Bah si, il y a quelques minutes, dans l'église, étranglé. »« Et c'est... ouais. »« Oh putain, ça craint, quel bordel !»« Toute la bande va y passer si ça continue. »« Quelle hausse ça ?»« Attends, je vais donner un coup de bigot et je reviens. » Une fois que j'ai fait prévenir Serge par nos voisins de Molière, je reprends ma place et ma bière auprès de Fargue. Je lui lance... Tu la connaissais un peu, cette femme ? Je la connais depuis le lycée. Tu veux que je te raconte, c'est ça ? Encore une fois, lecteur, je ne résiste pas au plaisir de te relater une autre tranche de vie tout droit sortie du terroir. Béatrice née de sale bien pensée, elle ex-épouse d'un notaire dont elle a divorcé, chose exceptionnelle dans sa famille. Titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art et spécialiste de culture religieuse occitane. Après une jeunesse partagée entre le lycée, les scouts, les rallyes, pas ceux qu'on fait au volant d'une voiture, mais ceux qui sont organisés pour favoriser les mariages, la faculté, les séminaires de catéchumène, elle se marie à Montpellier avec un notaire qui devait normalement s'établir dans un quartier chic de la ville ou à Paris, mais qui échoua à Saint-Martin-de-Londres, bled où le bon Dieu n'a pas mis les pieds. Or, la famille de Béa n'a pas toujours tenu le haut du pavé, et seuls quelques rares anciens connaissent son origine. Salvia, un des grands-pères, n'était qu'un marchand de bestiaux qui n'avait pas de chemise à se mettre. Quant à l'autre, Poncé, en réalité Ponce, était venu d'Espagne avec la faim en poussant trois moutons devant lui. Après avoir grenouillé chacun de leur côté dans le massif central, ils avaient associé les quatre clopinettes qu'ils possédaient. Mais leur fortune décolla véritablement pendant la guerre, où ils se mirent à vendre n'importe quoi à n'importe qui, pourvu que cela leur rapportât 100 fois le montant de l'investissement. Contre toute attente, ils ne furent pas poursuivis à la libération, tant l'argent a de pouvoir sur la justice et les gens. Revenu près de ses racines après un rapide divorce, Béatrice se dépense comme elle peut, entre les œuvres du curé, les cours d'histoire de l'art et d'occitan qu'elle donne gratuitement au collège catholique du coin, la chorale de la paroisse, où sa jolie voix et son talent d'organiste sont remarqués. À part ça, tout en elle est sérieux, pondéré et de bon goût. L'allure, la vêture, la voix, le maquillage, la coiffure. La classe, dans la discrétion et sans ostentation. C'est une question d'éducation et par ailleurs, les rentes de ses héritages le lui permettent. Elle n'a pas eu d'enfant et tout le monde pense que c'est par manque d'ardeur et de libido ou par peur de l'enfer. De toute façon, ses biens reviendront à sa famille qui n'en a que faire. En fait, de la libido, Béatrice en a, mais pas pour les hommes. Elle a toujours gardé un amour de jeunesse, avec lequel elle a eu quelques moments doux, au scout et à la fac. Claire-Cécile de Bargas. Cette dernière, justement, n'a pas trouvé d'âme sœur et c'est tout naturellement que leur relation a perduré. Platoniquement d'abord, puis charnellement, avec un plaisir chaque fois renouvelé, quand Béa, c'est comme cela que sa copine l'appelle, descend à Montpellier chez son amante. Quoi de plus naturel que d'entretenir une relation avec une ancienne camarade d'études, en tout bien tout honneur, l'expression prenant dans ce cas un sens d'une particulière hypocrisie. Fargue est persuadé que Béa dut appartenir à la bande du Cobra, son ego, son éducation et ses origines la prédisposant à ne pas se prendre pour la moitié d'une allumette. « Tu ne t'es pas gouré, ton hypothèse est bonne, mais je me demande ce que les garçons devaient lui trouver quand elle était jeune. Elle devait être encore plus cupincée que maintenant, non ? Détrompe-toi ! Elle avait quelque chose qui ouvre toutes les portes, qui remplace tous les charmes. Elle avait le pognon. Elle a été une des premières à passer son permis dans le coin. » Et le père Salvia s'est empressé de lui payer un cabriolet Floride. Tu parles si elle en jetait avec ça. Et puis tu vois, grâce à cette affaire, j'ai fait la connaissance du capitaine de la gendarmerie. Un ami à toi, je crois. Un mec bien. S'ils étaient tous comme lui, la garde des polices n'existerait pas. Je viens juste de terminer mon demi lorsqu'un léger coup de klaxon retentit devant le café. À travers la vitre embuée, je reconnais le bus VW de Serge. Allez, ciao Pierre. Il faut que je remonte à l'hostal. C'est Serge qui m'amène. Il faudra que tu viennes becquer la maison. Dans le bus, je mets rapidement au courant Serge, car je ne peux ni ne veux le laisser à l'écart des derniers développements de l'affaire. En tout cas, dit Serge, cette fois on ne peut pas soupçonner Sarah, puisqu'elle était chez le juge avec Louis. Faux, Gary, elle est revenue de chez le juge à 16h, ce qui lui laissait largement le temps de préparer et de perpétrer un crime. Et merde, elle te plaît cette femme, hein? Ça t'arrangerait bien qu'elle soit innocente. Qu'est-ce que tu lui trouves? Elle est longue comme un stockfish, plate, aimable comme une porte de prison. Le mystère, Gino, le mystère. Pense à la félicité de l'homme qui va déclencher le volcan qui doit sommeiller en elle. Mon pauvre Serge, tu l'as rêvé, ton volcan. Et si ça me plaît à moi de rêver, tu m'emmerdes à la fin. Alors, qu'est-ce que lui a demandé le juge? Ça, je n'en sais rien. Louis n'a pas eu le temps de me mettre au courant. On a roulé tellement vite pour descendre de Molière que je commençais à en avoir les chocottes. « Et ta tête, comment ça va ? J'ai un peu mal. Je vais prendre un antalgique et me reposer un peu avant le dîner. » Vers 9h du soir, Louis débarque sans frapper, sans un mot. Il se laisse tomber sur une chaise. Aussitôt, Paula se place derrière lui et entreprend de lui masser la nuque. Il se laisse faire avec une satisfaction évidente. « Tu devrais avaler quelque chose, Louis. Ça te défatigue de manger, » lui dit Gilda. « Tiens, j'ai fait un sauté de veau avec du riz. Il faut que je te le fasse réchauffer une minute. » Pendant ce temps, je sers à Louis une rasade sérieuse de J&B. Il sirote doucement son verre pendant que Paula continue son massage. Personne n'ose poser de questions au chef. S'il se met à parler de lui-même, il en dira certainement plus long que s'il est sollicité. Enfin, le whisky fait son effet. Putain, on est dans la mouise. Cette fois-ci, c'est pas une folle du cul qu'on a assassinée et on lui a même pas enlevé son impère. Jamais j'aurais imaginé qu'on la zigouillerait. Bon, d'accord, elle faisait partie de la bande. Mais c'est bien la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Elle n'a pas du tout le même profil que les deux autres. Aïe, maintenant tu me fais mal, Paula. Bouh, que t'es pénible. Tu ne la connaissais pas, cette femme, Louis? Je l'ai rencontrée à la mairie pour des cérémonies, mais c'est tout. Marceau, le psy, ne m'en avait pas dit long sur elle. Apparemment, c'était une femme discrète, versée dans l'action sociale, plutôt centre-droite. Je relate alors les quelques éléments que m'a donné Fargue, qui permettent d'éclairer un peu mieux le personnage. Ouais. « Si je comprends bien, dit Louis, celle-là non plus n'était pas blanc-bleu. »« Le curé, le pauvre, était au sang-cou. Il en pleurait, dit. »« Et bien évidemment, personne n'a rien vu, rien entendu. »« D'après le sacristain, il ne s'est pas écoulé plus de 3 minutes. »« entre le moment où Béatrice est sortie de la sacristie avec les vases et le moment où lui-même est venu la voir près de l'autel des âmes du purgatoire. L'assassin devait déjà être dans l'église à la guetter. C'est fort possible, car on a trouvé des traces de semelle mouillée sur le plancher du confessionnal. Il n'a pas pu sortir par la sacristie, donc il est nécessairement sorti par le portail. On aurait pu tomber nez à nez avec lui. Or, à part l'ouvrier en ciré noir, il y avait vraiment des gains aux abords de l'église. Louis commence à attaquer son sauté de veau, et à la quatrième bouchée, la voix s'affermit, s'amplifie, montrant ainsi que la forme et le moral reviennent. Je hasarde une question qui me taraude. « Dis-moi, Louis, et Sarah, qu'est-ce qu'elle a raconté chez le juge ?»« Rien, » fait-il la bouche pleine. Il lui a montré la photo de classe sur laquelle il n'a reconnu que sa sœur, Colette et Denise. Ça ne l'engage à rien, puisque toutes les trois sont mortes. Elle n'a rien voulu lâcher sur les autres membres de la bande, prétextant qu'elle ne se souvenait plus. « Tu parles !» Sur la mort de sa sœur, elle a été tout aussi laconique. Selon elle, Marlène a glissé, elle est tombée à l'eau, un point c'est tout. Alors que tu te souviens qu'elle a dit à sa cousine qu'on avait poussé Marlène. Je suppose que le juge l'a demandé son emploi du temps pour les deux meurtres. Bien sûr. Pour celui de Colette, elle avait une séance de gym à l'Espérance et une dizaine de témoins peuvent l'attester. Pour Denise, en revanche, elle dit qu'elle était chez elle à cause de la pluie et personne ne peut le confirmer. Le juge lui a demandé ensuite si elle n'avait pas une idée sur la personne qui pouvait perpétrer ces crimes. Un membre du Cobra, bien sûr. Mais comme elle n'avait lâché aucun nom auparavant à part elle, elle ne voyait personne d'autre. Et le mobile, elle n'a pas une idée du mobile, au moins ? Non, rien, je te dis, on avait l'impression qu'elle était complètement étrangère à tout ça. Le juge a ordonné une perquise à son domicile. Et qu'est-ce qu'il espère trouver ? Et je sais pas, moi, Macarel, des lettres, le tampon, des feutres, des photos qui pourraient nous mettre sur une piste, la confondre sur ses mensonges. Va t'aider. Vous allez lui foutre le haï pour pas grand-chose. Elle n'avait qu'à parler, cette folle. En tout cas, il va falloir l'interroger sur son emploi du temps après l'entrevue du juge. C'est prévu, t'inquiète. Et Rémy Gouin, qu'est-ce que t'en fais? J'ai eu au téléphone mes collègues de Pertuis, dans le Vaucluse. D'après les renseignements que nous avons, ce mec crèche quelque part dans le Luberon, montagne proche de cette ville. Dans un premier temps, ils ont pour mission de loger ce Gouin et de l'interroger concernant la bande du Cobra et la mort de Marlène. S'il le faut, il sera transféré ici. « Ouais, lui dis-je, on est bien sur la même longueur d'onde. »« Eh ben heureusement, de toute façon. »« Oui, je sais, c'est ton enquête. C'est toi qui commandes. C'est toi le plus beau. Tu es Louis, le seul, l'unique. Couillon !» me lance-t-il en riant. Sur ces entrefaites, Bola se met à bâiller, entraînant Gilda. Quant à moi, malgré mon repos d'avant dîner, je ressens durement la fatigue et la douleur de ma blessure. Il est temps que tout ce petit monde aille faire dodo. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, Louis passe nous voir au mât. Nous sommes en train de couper en lanière de gros champignons blancs que nous avons trouvés sous le cosse pour les faire sécher. Ludo apporte un soin tout particulier à ce travail manuel et nous lui fournissons les plus gros champignons qu'il coupe avec application, tout heureux de se servir d'un opinel géant. Mettez-les dans la clède, dans les bâtiments d'à côté. Vous verrez, ils vont se ratatiner en 3 jours, nous indique-t-il. Alors, du nouveau ? « Ouais, du nouveau et du nanan, » fait-il en brandissant une feuille de papier. « Regarde si nous sommes efficaces dans la gendarmerie, d'un bout à l'autre de la France. »« Eh oui, c'est pas comme dans la police, où il n'y a qu'à Marseille que nous sommes efficaces, c'est bien connu. »« Ça, Gary, ça sera répété à tes collègues de Montpellier, fais-moi confiance. »« Alors, qu'est-ce que c'est, accouche ?»« C'est le rapport d'interrogatoire du dénommé Rémy Gouin par la gendarmerie de Pertuis, transmis par Telex. » Je n'ai pas le droit de vous le donner, mais je peux vous le lire. Mais d'abord, de grâce, de quoi m'humecter un peu. Il s'assoit confortablement à la table en fer et un grand pastis dans une main commence la lecture. Monsieur Gouin, vous êtes convoqué en qualité de témoin dans une affaire qui n'a strictement rien à voir avec celle pour laquelle vous avez déjà été poursuivi. Tranquillisez-vous. Connaissez-vous la bande du serpent? Comment avez-vous eu connaissance de ce truc-là? Ne posez pas de questions, répondez, s'il vous plaît. Oui, j'en ai fait partie, c'était au lycée du Vigan, en terminale. Vous rappelez-vous de ceux qui en faisaient partie? Oui, il y avait Sarah Baume, Denise Verme, Colette Dorme, Paul Marceau, Pierre Decaze, Marc-Antoine, Béatrice de Salvia et moi. Savez-vous que 3 d'entre eux ont été tués? Ah non, vous me l'apprenez. Denise Verme, Colette Dorme et Béatrice de Salvia ont été sauvagement assassinés. Étiez-vous présent lors de la mort de Marlène Baum ? Oui. C'était le jour où normalement elle devait être initiée pour faire partie de la bande. Je me souviens, c'était un jeudi après-midi près d'une pensière sur l'art. Il faut vous dire qu'il y avait deux camps dans la bande, ceux qui étaient pour Marlène, c'est-à-dire tous les garçons, plus sa sœur Sarah, et les filles qui étaient contre. Marlène était grande, blonde, fine, élancée, et tous les garçons, même les profs masculins, étaient amoureux d'elle. Sarah aussi était très jolie, mais moins noble que Marlène, qui aurait pu rivaliser avec n'importe quelle star de ciné. Toutes les filles en étaient malades de jalousie. Nous, les garçons de la bande, nous étions complètement dingues de cette nana. Pour son épreuve d'initiation, les filles avaient inventé les trucs les plus dégueulasses. Rouler un palo au curé, traverser la cour du lycée à poil, pisser au beau milieu du quai à minuit. Mais nous, les garçons, nous ne voulions pas que Marlène s'abaisse à des trucs aussi cons et aussi salaces. Et nous avons commencé à nous disputer avec les filles. À ce moment, Max est arrivé. De Salvia, qui jouait la chef, a dit « Elle n'a qu'à se baigner à poil dans la rivière ». Les gars ont refusé, en faisant valoir que l'eau était encore trop froide. Finalement, De Salvia a ordonné à Colette et à Denise « Foutez-la à l'eau tout habillée ». C'est ce qu'elles ont fait, alors que Marlène ne s'y attendait pas. « Vous voulez bien dire que les deux filles ont poussé la dénommée Marlène dans la rivière ?»« Oui, c'est ça. » Immédiatement, elle a suffoqué, puis a commencé à couler. Aussitôt, Max et Paul se sont jetés à l'eau. Hors d'haleine, ils l'ont ramenée à la berge. Marlène ne respirait plus. Je suis parti en courant chercher du secours, et quand les pompiers et les gendarmes sont arrivés, il n'y avait plus rien à faire. Sarah s'est mise à courir comme une folle vers le pont, et Max a compris qu'elle allait se suicider. Il l'a rattrapée et l'a serrée dans ses bras jusqu'à ce que le corps soit enlevé. Aux gendarmes, on a raconté que Marlène était tombée à l'eau. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas cité de Max dans la liste des membres. Non, Max Lanoux était déjà à la fac. Il venait de temps en temps avec nous. C'était vraiment un beau mec, qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Les filles en raffolaient. Mais on n'a jamais su vraiment s'il était amoureux de Sarah ou de Marlène, ou les deux à la fois. En tout cas, je crois qu'il s'est marié avec Sarah. À l'audition de ce témoignage, défilent devant mes yeux ces jeunes de 17-18 ans de la fin des années 50. Les filles, toutes en jupe de poule ou écossaise, le pantalon n'étant guère porté par le sexe féminin, surtout dans ces campagnes, avec des twinsets de couleur pastel ou en robe à jupe en bouffon, les garçons en pull jacquard ou à rayures et pantalon gris pour la plupart, avec de grosses godasses marronnasses, toute une époque, sans parler des coiffures de cheveux. Une fois sa lecture terminée, Louis plie soigneusement son papier, pose ses lunettes et nous fait « Alors ça y est, vous avez compris, c'est clair maintenant ?»« Ouais, » dit Serge, « nous avons maintenant un mobile plausible. » Et ça renforce les soupçons qui pèsent sur Sarah. « Ou Marceau, ou Max, le mari, ne l'oublions pas celui-là. »« Nous allons nous en occuper, t'inquiète, » dit Louis. « Et la perquise chez Sarah, qu'est-ce que ça a donné ?»« Rien, si ce n'est beaucoup de bordel et des pleurs à n'en plus finir. » Je ne savais plus comment me dépayer de cette femme. Quand on a eu terminé, qu'il a bien fallu reconnaître que nous étions bredouilles, j'ai cru qu'elle allait m'arracher les yeux. Il a fallu que mes hommes la maîtrisent pour éviter le pire. Vous savez qu'elle a une force terrible. Regardez, je ne l'ai emprunté que ça. Et Louis nous montre deux portraits faits par un photographe professionnel. L'un représente Sarah et l'autre Marlène, vers 17 ou 18 ans. C'est vrai que Marlène est vraiment d'une beauté intemporelle, comme le sont les femmes qui sont réellement exceptionnelles. Sarah aussi est très belle, mais lui manque l'espèce de lumière qui semble éclairer Marlène de l'intérieur. C'est sûr que tous les gars devront être follement amoureux. Bon, fait Louis, je quitte Napola pour la soirée. J'ai besoin de me changer les idées. Je l'amène au resto. Et demain, va y avoir du sport. J'ai convoqué Paul Marceau pour qu'il m'explique son don d'ubiquité et Max Lanoux pour que nous puissions enfin faire connaissance. Il est temps qu'on lui tire les vers du nez à celui-là.